de vous au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Ouvrons notre Bible. Tufunguleni ma Biblia yetu. Deutéronome au chapitre 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Chapitre 7 s'il vous plaît. Sura yake ya 7. Deutéronome au chapitre 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Dans son verset 6. Mustare ya 6. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Dans toute humilité, merci. Katika unyenyekevu yote tunasema asante. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na mujina ya Bwana Yesu Kristo. Viens au milieu de nous pour nous bénir. Kuja katikati yetu kuja kutubariki. Selon ta promesse. Kufuatana na malaku yako. Viens éclairer notre intelligence. Kuja upate kuangazia akili yetu. Pour saisir ta parole prophétique. Kuja kushika neno lako ya unabii. Que le Saint-Esprit, le révélateur de celle-ci. Roho Mtakatifu mwenye kufunula imandiko. Nous la révèle dans nos cœurs. Apate kuifunulia mamio yetu. Et qu'il engendre en nous l'urgence. Napate kuzalisha ndani yetu waraka. Pour nous préparer car ton retour est imminent. Juu ya kujitayarisha sababu kurudi kwako kunakaribia. Nous t'attendons Seigneur. Tuko na kungoja Bwana. Viens Seigneur Jésus. Kuja Bwana Yesu. Et viens nous délivrer. Na kuja utukomboe. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bariki la moja wetu mnamna upeke. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristu. Nous te demandons ainsi. Tunakulomba hivi. Amen. Amen. Deutéronome 7 verset 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari ya 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Kwani uko taifa takatifu juu ya milele Mungu wako. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, mais l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main puissante. Vous a délivré de la main de servitude. De la main de Pharaon. Roi d'Égypte. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. C'est depuis hier que nous avons commencé avec la parole prophétique. Nous avons dit hier que le plan du salut, le plan du salut d'Israël est entièrement différent du plan du salut pour les nations. Dieu traite et Dieu sauve Israël en tant qu'une nation. Mungu yuko natumika na yuko naokoa Israeli sawa taifa moja. Et son plan du salut est renfermé dans les 70 semaines de Daniel. Na mapu yake ya wokovu iko yenye kufungwa ndani ya ile majuma 70 ya Danieli. Tandis que chez les nations, alakini kwa mataifa, le salut est entièrement individuel. Wokovu iko kabisa kabisa ya kila mtu binafsi parwake. C'est-à-dire qu'il est basé sur la foi personnelle. Ni kusema iko yenye kujengwa yule ya wokovu ya imani ya kila mtu. Et ce plan est renfermé dans les sept âges de l'Église. Nous avons commencé à montrer le cinq points principaux dans lesquels Dieu a réparti l'accomplissement de toutes ses promesses pour Israël. Mule Mungu arikabula kutimilika kwa mamalako juu ya Israeli. C'est ainsi que nous avons commencé à vous dire hier. Njo vile sasa tulianza kumionyesha jana. Quand Dieu commence à traiter avec Israël, wakati le Mungu anaanza kutumika na Israeli, il y a d'abord l'élection. Huko kwanza kwanza kuchakuliwa. L'élection d'Israël. Kuchakuliwa kwa Israeli. Et la séparation avec toutes les nations de la terre. Na kutenganisha Israeli na mataifa yote hapa dunia. C'est Dieu qui l'a fait. Ni Mungu yeye mwenyewe alifanya. C'est Dieu qui a choisi Israël. Ni Mungu ndiye alimchakula Israeli. C'est Dieu qui s'est révélé à Israël. Ni Mungu ndiye alijifunua kwa Israeli. C'est Dieu qui a fait le premier pas vers Israël. Ni Mungu ndiye alifanya tu ya kwanza kwenda kwa Israeli. Et quand Dieu l'a choisi parmi toutes les nations de la terre, na wakati Mungu anamchakula katikati ya mataifa yote hapa dunia, Dieu l'obligea aussi de se séparer avec toutes les nations. Mungu naye pia akamlazimisha apate kutengana na mataifa yote hapa dunia. Après son élection, kisha kuchakuliwa kwake, Dieu lui a promis un pays. Mungu alimulaka inchi. Dieu lui a promis un pays. Mungu alimulaka inchi. A récupéré le territoire. Muku nyanganya ile mabulongo. D'autres nations. Ilikuwa na mataifa mengine. Pour que ce pays-là soit le pays propre de Dieu. Kusudi ile inchi ikuwe inchi ya upekee tu ya Mungu. Dans lequel son propre peuple devait habiter. Mule taifa yake mwenyewe ripasha kuikalamu. Pour l'adorer. Dieu kumwabudu. Et ce peuple avait des lois différentes de toutes les lois qui existaient dans toutes les nations. Na ile taifa yake ilikuwa na masheria ya kuachana kabisa kabisa na mataifa yote yalikuwa pa dunia. C'est pourquoi pour habiter ce pays, Dieu a dû faire une alliance avec son peuple. Mungu alilazimishwa kufanya agano na ile taifa yake. Dieu avait posé des conditions. Mungu aliweka makanuni. Si vous voulez qu'on marche ensemble avec vous, kama mnapenda nitembe pamoja na mweye, voilà ce que vous devez faire. Tazama kile mnapasha kufanya. Et voilà ce que vous ne devez pas faire. Natazama kile mpasha kufanya. Et Israël avait accepté cette alliance. Na Israël alichikaka ile agano. Mais après avoir fait ses vœux de cette alliance, lakini kisha kufanya ile agano, Israël n'avait pas honoré ses engagements envers Dieu. Israël ashikushimia yake ile mipango yake mbele ya Mungu. Étant dans ce pays, kisha kuingia mwile inchi, Israël pécha contre l'Éternel. Israël akatenda zambi kwa milele. Israël se plongea dans l'idolâtrie comme le reste des peuples. Israël akajitumbukiza mukuabudu sanamu sama baki ya mataifa. Israël regarda tout autour de lui. Israël akangaria kando kando yake. Et il prit les abominations des nations. Na kabeba makufuru ya mataifa. Et cela n'a pas plu au Seigneur. Na ile haikumfurahisha yake Bwana. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, Joko mwana tangia mwagano la kale, Dieu a déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a prononcé ou il a prédit la dispersion. Donc la dispersion d'Israël dans du pays de la promesse. Les dieux qui leur avaient donné ce pays étaient obligés de les chasser de ce pays à cause de l'idolâtrie, de la désobéissance et de toutes les abominations qu'ils avaient amenées sur ce terrain saint. C'est pourquoi depuis hier, nous avons commencé à parler sur la dispersion d'Israël. Les prophéties dans lesquelles Dieu avait promis à Israël que si vous ne respectez pas les termes de l'alliance, je vais vous chasser de ce pays que je vous ai donné. C'est pourquoi hier nous avons lu Deutéronome au chapitre 28. Et Dieu avait prédit d'une manière claire. Vous voyez, dans le verset 63 au chapitre 28. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Quand Moïse parle à Israël, Israël n'était pas dans le pays de la promesse. Israël n'était pas en possession du pays promis. Mais ici nous sommes en train de lire les avertissements de Dieu. Et Dieu leur dit, attention avec l'incrédulité, attention avec le péché, attention avec la désobéissance, sinon l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que non connus. Ni toi, ni tes pères, tu bois, et de la pierre. Et parmi ces nations, quand vous serez maintenant dispersés parmi ces nations-là, vous ne serez pas tranquille. Est-ce que l'Église est avec moi? Ça fait peur. Dieu leur dit, étant dispersé parmi ces nations-là, vous ne serez pas tranquille. Vous n'aurez pas un lieu de repos pour la plante de vos pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Donc, donc à tout moment, tu peux mourir. Tu n'es pas certain de vivre. Tu ne sais pas, quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas si tu vas exister et tu vivras 10 heures, à 12 heures. Quand tu arrives à 12 heures, tu ne sais pas si tu vas vivre à 14 heures. Quand tu arrives à 14 heures, tu ne sais pas si tu vas vivre à 15 heures. Quand tu arrives à 18 heures, tu ne sais pas si réellement la nuit, vous voyez, vous allez passer une nuit paisible. Où vous serez là demain matin? Frère, Banduku, c'est vraiment très facile quand on lit ça. Quand vous vivez ça, c'est autre chose. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin puisse le soir être là. Et tu diras le soir puisse le matin être là. Vous voyez, ces choses ont déjà été prédites ou avaient déjà été prédites avant même qu'Israël ne prenne possession du territoire que Dieu leur avait donné. C'est quoi hier on vous disait? Dieu ne faisait pas des jeux de cache-cache avec son peuple choisi. Il a pris tout le temps de les avertir, de leur montrer les avantages de l'obéissance et de leur montrer les conséquences de la désobéissance. Et de cette manière, Israël était devant encore un choix. Entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance, entre le bonheur et le malheur, tout était devant lui. Comme chacun de nous est devant un choix. Et dans Lévitique au chapitre 26. Dans Lévitique au chapitre 26. Dans son verset 32-33. Mais allez même jusqu'au verset 39. Regardez les conditions, donc les châtiments de ceux qui seront exilés à cause de leur désobéissance. Dieu dit ceci à Israël. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Vos ennemis viendront rester dans votre pays. Seront stupéfaits de la manière dont je ferai pour vous. Dans d'autres écritures, Dieu dit, ces hommes-là diront, pourquoi Dieu a-t-il traité ainsi son peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé? Parce que Dieu n'est pas un grand-père. Il est un père pour nous. Et un père châtie ses enfants. Un véritable père, Baba wa kweli, c'est un éducateur. Ni ule yuko na dibisha. Ce n'est pas un grand-père aina nkambo qui joue avec ses petits-fils, ule kuna kuna cheza na bankana yake, qui cherche une consolation dans ses petits-fils. Ule kuna tafuta faraja mu bankana yake. Le père lui corrige ses enfants, Baba yuko na nyolosha batoto yake, parce que sa réputation y est engagée. Kavumu yake igwa mu mule ndani ya batoto. Et Dieu dit, si vous désobéissez, je vais ravager le pays que je vous donnerai. Après vous avoir chassé, je vais prendre tous vos ennemis. Ils habiteront votre pays et même seront étonnés la manière dont je vous traiterai. Je vous disperserai parmi les nations. Dieu ne les avait rien caché. Vous ne resterez plus dans ce pays. C'est un pays saint. Ni inchi takatifu. Il n'y a que les saints qui doivent y habiter. Ni paka batakatifu jona pasha kuikalamu. Dès que vous devenez pécheurs, la terre va vous vomir. Bulongo butamitapika. C'est vrai, frère. Ni biakweri banduku. Je veux vous disperser parmi toutes les nations. Et je tirerai l'épée après vous. Temufukuza kwa kipanga. Je vous chasserai avec l'épée. Likusema mupanga itakuya pa kumkongo yenu. C'est-à-dire l'épée sera toujours derrière vous. Votre pays sera dévasté. Et vos villes seront désertes. Alors le pays se réjouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté. Et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera. Et jouira de ses sabbats. Regardez comment Dieu parle à son peuple élu. C'est le temps que je vous chasserai dans le pays que moi Dieu je vous ai donné. Pendant que vous serez sur des terres étrangères en train de gémir, voyez, sans repos, avec une vie en suspense. Même la terre que je vous ai donnée va se réjouir parce qu'elle sera au repos. Vous ne serez pas là pour la cultiver. Et la terre va se dire, ces gens qui me cultivaient ne sont plus. Alors je prends mes repos. Je prends mes sabbats. Voyez bien mes frères. Même les arbres, les montagnes, les vallées vont se réjouir. Ils disent ces méchants qui n'ont pas honoré notre Dieu. Dieu les a chassés pour que nous nous reposions. Ah, qu'il aille souffrir sur une terre étrangère. Et nous sommes en repos. Frère, banduku, sœur, badada, même dans notre vie personnelle, frère, ces choses qui sont écrites, ni Dieu a ma fonction, c'est pour notre instruction. Ni Dieu c'est pour nous dire tous qui sommes ici. Frère, sœur, banduku, badada, craignons Dieu. Mon frère, ma sœur, honorons la parole de Dieu en toutes choses. Vous ne pouvez pas être en difficulté avec Dieu et espérer être en repos. Tu ne peux pas être en paix aussi longtemps que tu es en difficulté avec Dieu. Quand le Seigneur quitte ta vie, wakati bwana toka maisha yako, les difficultés commencent. Magumu inakwanza. Chacun de nous doit le savoir. Kila mmoja wetu anapasha kujua vini. Tena ni kintu kibaya. Et c'est une très mauvaise chose. Quand Mungu anaanza kushatia. Lorsque Dieu commence à vous châtier. Ni kitu kimoja kibaya sana. C'est une très mauvaise chose. Même vos ennemis. Hata badu yenu. Voyez. Donc vous serez dans les pays de vos ennemis. Voyez, et la terre, voyez, se réjouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats. Ata wakati murukui amuko na proclamer ma sabbat. Tout en étant sur cette terre, même la terre ne s'est jamais réjouie. Mais vous, quand vous serez chassés, la terre se réjouira. Tandis que vous l'habitiez, je rendrai pisi la mine. Donc, je vous rendrai paresseux. je rendrai paresseux les cœurs de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Une personne commence à fuir. Tout ça, il est nini, à cause de la désobéissance, wa à cause du péché, ya zambi, ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Il y a un comme si on le pourchassait avec une épée. Et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et les pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité, une faiblesse physique et morale profonde. Voyez, pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu était clair et précis. Entre les mains de l'ennemi, pour avoir la force de se libérer entre il faut les avoir du courage, il faut avoir une détermination, il faut avoir de la force. Mais Dieu dit, parlez-moi témoin comme il est inchi à Kigeni, pendant que Baedu yen batanz a qui nous persécutait, pendant que vos ennemis vous persécutent, amutakuya atanangu yeni akiro, namawazu yena kusema. Que nous puissions nous enfin qu'on puisse se libérer dans la vie. Et même la force de Mwili, la force physique, vous n'en aurez point. Et toutes ces choses ici se sont accomplies littéralement sur Israël. Oui, bien mes frères. Vous n'avez pas peine de bandoukou. Donc Dieu avait déjà promis. Bah, avant même qu'ils n'entrent dans le pays de la promesse, leur dispersion. Mais avant même qu'ils ne soient dans le pays, les dieux d'amour, à cause de l'affection qu'il avait avec leur père, leur avait aussi promis que le rejet n'était pas définitif. Dieu ne pouvait jamais oublier Israël pour toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle au mot qu'il a prononcé sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob et sur la descendance voyez d'Abraham. Voyez bien mes frères, même si eux sont devenus infidèles, ils seront châtiés à cause de leur infidélité. Mais malgré leur infidélité, malgré leur désobéissance, à cause de l'affection que j'ai envers les pères, je leur ferai miséricorde. Je ne rejetterai pas Israël pour toujours. Je n'oublierai jamais l'alliance que j'ai fait avec Israël et avec ses pères. C'est vrai, frère. Dieu avait aussi promis. L'église est avec moi. qu'il ne rejettera jamais et qu'il n'oubliera jamais pour toujours son peuple qu'il avait choisi. Pourquoi il n'oubliera jamais l'alliance de l'alliance qu'il avait fait avec Israël? C'est à cause des promesses faites à leur père. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand un homme est élu, pas quelqu'un qui pense être élu, quand un homme est réellement élu par Dieu, Dieu ne le perdra jamais. Les châtiera chaque fois qu'il désobéira pour la ramener à la discipline. Mais le perdre, non. L'oublier, non. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Pour un élu, akuna namna Mungu wa musabu. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse l'oublier. Akuna namna Mungu. Il n'y a pas moyen que Dieu ne se sépare avec lui éternellement. Akuna namna. Il n'y a pas moyen. Mungu atupe mchakuliwa. Dieu puisse l'oublier. C'est impossible. Il a toujours aiwezikane. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'un élu ne peut pas commettre un péché impardonnable. Si vous êtes enfant de Dieu, frère, banduku, dans votre cœur, amine ya kusema, utawezi kukotola. Tu peux fauter. Vous voyez? Mais, kutenda nzambi, péché, ya kufikisha Mungu, akujime mukitabu ya bujima. Tu puisses te réduire dans le livre de Dieu. Il est haute itendaka. Ça, vous ne le ferez jamais. Voyez bien, mes frères. Non, on va peindre banduku. Voyez bien, mes sœurs. Non, on va peindre badad. Mouteoule. Un élu. Il sait que vraiment la promesse que Dieu lui a faite, lorsqu'il fautait, Dieu va le châtier. S'il fautait, Dieu va l'abandonner momentanément. Mais le cœur de Dieu est attaché à son élu. Le cœur de Dieu va ensemble avec la vie d'un élu. Et Dieu n'abandonnera jamais et jamais un élu qu'il a prédestiné à la vie. Les châtier, oui. Mais l'abandonner pour toujours, non. Les perdre pour toujours, non. Est-ce que c'est une garantie pour faire le péché? Non. Quiconque vit dans le péché ou commet un péché volontaire, il prouve que ce n'est pas un élu. Oui, bien-aimé frère, Dieu a dit, je vous châtierai pour vos péchés. Parce que quand Dieu a promis le châtiment, il dit, même sur la terre étrangère, lorsque vous serez tourmenté par la souffrance, lorsque vous serez tellement agité, vous viendrez que vous avez très mal à faire devant l'éternel, vous vous repentirez, comme je vous pardonnerai. Vous reconnaîtrez vos fautes. Vous verrez que vous avez très mal agi. Mais étant éloigné du pays que de la promesse, ce pays que je vous avais donné, vous vous repentirez. Vous chercherez mon secours. Et moi, je viendrai à votre secours. Oui, bien-aimé frère. Les châtiments, oui. Être abandonné, être rejeté momentanément, oui. Mais Être oublié par Dieu, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance que Dieu scelle avec ses élus, pas une alliance verbale, c'est une alliance scellée par le sang. Et pour nous aujourd'hui, notre alliance est scellée par le sang du Dieu Tout-Puissant. Comment il peut nous abandonner? Non, bien aimé frère. Comment il peut nous oublier? Non, il ne peut pas nous oublier. Dieu n'est pas un homme. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé sœur. Donc, déjà, avant même qu'il n'entre dans le pays, je leur dis, si vous péchez, je vais vous chasser. Je vais vous rejeter. Mais je n'oublierai pas mon alliance pour toujours. À cause de cette alliance faite à Abraham. Regardez comment il parle dans Jérémie. Prenons Jérémie. Frère, Israël. Israël, c'est une autre nation. L'épouse, Bibi Arusi, c'est un autre peuple. Jérémie 31. Mais il faut seulement Kusuma Jérémie. C'est très bien. Jérémie 31, il faut tout lire. Je vais lire en sautant, le reste vous allez le lire à la maison. Jérémie 31. Je prends le verset 35. Écoutez comment Dieu dit. Verset 35 à 37. Ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer les jours, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses fléaux, ses flots, lui dont le nom et l'Éternel des armées. Écoutez maintenant le verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël, Kabila Israeli, cessera aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Écoutez comment Dieu est en train de gérer sur Israël. Aussi longtemps qu'il y a un soleil qui s'élève, un soleil qui se couche, aussi longtemps qu'il y a la lune et les étoiles qui éclairent la nuit, Israël ne cessera pas d'être une nation devant moi. Quelle garantie pour Israël? Quelle garantie pour un élu? Ici, c'est Dieu lui-même qui juge. Aussi qu'il y a un soleil, aussi longtemps qu'il y a une lune, Israël va exister. Dans Jérémie 33, versets 23 à 26. Écoutez ce que Jérémie dit. 23, verset 23. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Ces deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Quelles sont les deux familles? Israël et Juda. Voyez. Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus les regarder comme une nation. Vous voyez, quand les gens ont vu qu'Israël était en conflit avec son Dieu, les nations se sont dit, c'est fini. Vous voyez, pour ce peuple, Dieu les avait choisis. Maintenant, ils sont en difficulté avec leur Dieu. Dieu les a oubliés. Ils ne sont plus une nation. Ainsi par l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, et si je n'avais pas établi des lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi, bien-aimé frère, pour nous, le temps des nations, tout ton effort, que Dieu soit votre Père. Zari Kwamara Yapiri, sois né de nouveau, na patarom takatifu, et recevez le Saint-Esprit. Mungu ata kusabwa kashiku ata moya. Dieu t'oubliera en aucun jour. Il n'y a rien qui fera ce que Dieu t'oublie. Ipate kufanya Mungu akusabwe. Vous serez châtié chaque fois que vous commettrez une erreur pour votre discipline, pour vous amener à l'obéissance, mais vous perdre. Non, frère. Non, ma soeur. Alors, aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. C'est-à-dire, Dieu dit, il n'y a pas moyen, aussi longtemps que la terre existe, avec tout ce qui l'enferme, que je puisse oublier Israël. Ni Sabu Abraham. Que je puisse oublier Abraham. Ni Sabu Isaac. Ni Sabu Jacob. Que je puisse oublier Jacob. Ni Sabu Maliance ni Foyanabu. Que je puisse oublier le mariage que j'ai fait avec l'alliance. Non, non. Il y aura toujours. Utakuwa paka. Il y aura toujours. Utakuwa paka. L'un de la postérité de David. Mmoja wa uzawa ya Daudi. L'un de la postérité. Mmoja wa uzawa de Jacob. Ya Yakobo. L'un de la postérité d'Isaac. Mmoja wa uzawa. L'un de la postérité d'Abraham. Mmoja wa uzawa pour régner. Dieu aye kutawala. C'est vrai, frère. Ndia kweli banduku. Dans Esaïe 49. Mu Isaya makumi ine na tisa. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Kuya mutoto wa Mungu. Sois enfant de Dieu. Que Dieu devienne ton père. Mungu akue baba yako. Dieu a promis. Mungu arilaka. Je ne rejetterai pas pour toujours. Jita katala kwa lote. Mon peuple d'alliance. Taifa yangu ya agano. Esaïe 49. Isaya makumi ine na tisa. Dans son verset 14 jusqu'au verset 16. Ufika kumustara kumi na sita. Sion disait. Sioni alikuwa anasema. L'Éternel m'abandonne. Wa milele anachilia. L'Éternel m'oublie. Wa milele ananisabwa. Une femme. Et Dieu répond. Mungu anajibu. Une femme. Mwanamke. Peut-elle oublier son enfant qui allait? Anaweza kusabu mtoto leko na nyonyesha? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ati anana buluma ya mtoto antoka mtumbo yake. Car elle l'oublierait même s'il arrivait qu'une femme oublie son enfant. Kama anaweza kufika mwanamke anasabu. Car elle l'oublierait. Hata wakati anaweza kumsabwa moi je ne t'oublierai point mishita kusabwa kamwe voici Zama. J'étais gravé sur mes mains ndani ya mkono yangu. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Frère, comme Dieu a gravé Israël de ses mains, le poids de Jésus est gravé dans le cœur de Christ. Comment Christ peut nous oublier? Parce qu'il a été percé, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes sortis de ces côtes. Comment il peut nous oublier? Pour nous, l'épouse des nations, nous ne sommes pas entre les mains de Dieu. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Même s'il arrivait à une femme d'oublier son enfant qui allait être, mais l'Éternel n'oubliera jamais Israël. C'est impossible. Même si tout le monde disait, les nations disaient, il a rejeté pour toujours. Dieu dit non. Je le châtie momentanément. Le rejeter pour toujours non. Esaïe 54. Verset 9. Jusqu'au verset 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez l'arc-en-ciel, avant que la pluie commence, ou pendant la pluie, souvenez-vous que c'est une alliance que Dieu avait faite depuis la Genèse à toute l'humanité au temps de Noé, que jamais moi, l'Éternel, je détruirai la terre par les eaux. Maintenant, comme je l'avais juré, écoutez comment Dieu dit. Comme je l'avais juré, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Car les montagnes s'éloigneraient, car les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dieu a une affection. Il l'avait déjà dit cela. Après qu'on a commencé ma vie, Israël n'était même pas encore entré dans le pays de la promesse. Mais Dieu prédit les choses qui arriveraient. Comme il est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît la fin d'une chose, il connaît la fin d'une chose avant son commencement, il connaît toutes choses. C'est pourquoi il dit à Israël, regarde ce qui t'arrivera, mais écoute, comme tu as un libre arbitre, respecte ma loi, obéis à ma loi, regarde les bénédictions. Mais si tu brises ma loi et que tu me désobéis, tu es marché comme le reste du monde. Je vais te châtier. Je vais te chasser. À un certain moment, tu vas douter de ton existence. Mais écoute, à cause de tes pères, je ne vais pas t'oublier. Vous voyez, j'ai un amour éternel envers toi. Oui, bien-aimé frère, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu a toujours eu compassion de ses enfants. Regardez dans Lévitique. Lévitique 26. Frère, Dieu est terrible. Il est Dieu. Il est Dieu. Regardez Lévitique chapitre 27. Dans son verset, commençons verset 40. Allons jusqu'au verset 45. Et Dieu leur promet. Après qu'il soit dispersé dans les nations, pendant leur souffrance, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commis envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause desquels moi aussi je les résisterai et je les mènerai dans le pays de leur ennemi. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leur iniquité. Vous voyez comment Dieu parle à Israël. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Même si vous fautez, frère, pendant que Dieu te châtie là, humiliez-vous. Reconnaissez votre tort. Répentez-vous. Regrettez cela. Demandez son secours. Le Seigneur te fera grâce. C'est ce qui nous manque, nous les gens. Tu as déjà fait mal, tu commences à te faire voir comme si c'était encore bien. Non. Lorsque vous avez déjà brisé la parole de Dieu, et que vous êtes déjà tombé dans le péché, la seule voix qui va vous ôter, premièrement par vous humilier devant Dieu, par confesser et répondre, implorer la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu se révèle pour ceux qui se repentent, qui reconnaissent leur péché, qui s'humilient. Dieu aussi a compassion d'eux. Non, bien aimé frère. Alors, leur cœur incirconcis s'humiliera. Et ils payeront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Vous voyez, quand est-ce que Dieu se souviendra de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob? C'est lorsque le cœur d'Israël s'humiliera devant la face de l'Éternel, reconnaîtra les péchés, les torts qu'ils ont vécu, qu'ils avaient fait. Vous voyez, ils se repentiront. Vous voyez, et chercheront ce soir son secours. Dieu aussi, à cause de son amour, il viendra, il tournera la face vers eux. Le pays sera abandonné par eux et il se réjouira de ses sabbats. Mais regardez maintenant dans le verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je les rejetterai pour tampon. Et je les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Mungu anasema, peu importe ile hawezi kufanya tout ce qu'ils ont fait hata banaenda muinchi akigeni mulenesha kuba mulenesha kuweza kuwaweka dans le pays d'étranger là où je les ai chassés mais moi ma taifa mushikia kusema mimi sitebakatala bia lote je te réponds mimi sitebachukia kufika mukipimo ni bawe bote à point de tous les ile mimi taifanya sitafika mukipimo mimi vunja agano nilifuana nabo nilifuana nao que j'ai fait avec eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai. Je me souviendrai à leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Quelle grâce qu'elle lui trouve devant Dieu. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Regardez dans Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11. Là, Paul dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 11. Versets 1 et 2. Je dis donc. Dieu Mungu a-t-il rejeté son peuple? Eti anakatala taifa yake? Loin de là. Mbari na ile. Car moi aussi, sababu mina mie, je suis israélite. Niko muisraeli. De la postérité d'Abraham. Uzao ya Ibrahimu. De la tribu de Benjamin. Kabila ya Benjamin. Dieu Mungu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dieu l'a juré. Il a dit. Ils pécheront certainement. Je les châtierai certainement. Mais quand ils seront complètement dispersés, loin de leur pays, est-ce que je vais les oublier? Je dis non. Pourquoi? J'ai traité avec eux une alliance éternelle à cause de leur père. Mais lorsqu'ils seront sur une terre étrangère et qu'ils humilieront leur cœur, ils confesseront leurs péchés, ils se repentiront de tout le mal qu'ils ont fait. Moi, l'Éternel, je me souviendrai d'eux. Aussi longtemps qu'il y a le soleil, aussi longtemps qu'il y a la lune et les étoiles, Israël ne peut pas cesser d'exister comme une nation devant moi. C'est-à-dire, Israël demeurera toujours une nation devant ma face. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Mais attention avec le péché. Attention avec la désobéissance. Attention avec l'incrédulité. Parce que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Mon frère, ma soeur, Zambi yote utatenda, uteiripa. Ata uko mtoto wa Mungu, uripa Zambi uteiripa. Ata uko baptisé du Saint-Esprit, ukitende Zambi. Si vous péchez, vous récolterez ce que vous avez fait. Mais que Dieu puisse rejeter ne le fera pas. Pour Israël, à cause de ses pères. Pour Israël, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Israël à la sortie de l'Égypte. Mais pour nous les nations, pour nous l'épouse, quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il est déjà sous l'alliance avec Christ, sous le sang de l'agneau parfait qui ôte le péché du monde, Dieu ne peut pas l'ôter de sa face parce qu'il est déjà son enfant. C'est pourquoi vous verrez Tout homme qui est né de nouveau, même s'il ratait l'enlèvement, même s'il ratait le millénium, mais Dieu se souviendra de lui au jugement du trône blanc. Il sera jugé, il sera privé de toutes les bénédictions et de toutes les promesses que Dieu a promis à ceux qui lui obéissent. Mais la vie de Dieu ne peut pas les lui ôter. Oui, bien aimé frère, oui, bien aimé soeur, parce qu'il est déjà né dans la famille de Dieu. Et son nom se trouve sur le registre de Dieu. Un homme ou une femme qui est déjà né de nouveau ne sera jamais perdu. Pourquoi? Il est né dans le royaume de Dieu. Il a déjà reçu la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il a en lui la vie qui ne meurt jamais. Oui. Dieu, pour la punition, il va le punir. Mais pour le rejeter, non. Vous voyez bien mes frères. Donc pour résumer la pensée d'aujourd'hui, comprenez que Dieu, dans son plan avec Israël, il lui a tout dit. Il lui a tout révélé. Il n'a rien caché à Israël. Il dit, regarde l'alliance que j'ai fait avec toi. Nous marcherons avec toi aussi longtemps que tu seras obéissant. Mais si tu brise ma loi, voilà ce que je veux faire. Je vais te chasser du pays que je te donne. Tu seras dispersé parmi les nations. Et pendant que vous êtes dispersé, vous souffrirez. Ton cœur n'aura pas de paix. Ta vie sera en suspense. Vous douterez même de ton existence. Mais étant sur la terre étrangère, comme mon rejet n'est pas définitif, je vous rejetterai momentanément. Mais après vous avoir rejeté sur une terre étrangère, si vous reconnaissez vos torts, vos péchés, vos iniquités, vous les confessez, vous vous repentez, moi l'Éternel, j'aurai pitié de vous. Et vous les nations, et vous les nations qui disent que j'ai oublié mon peuple, aussi longtemps qu'il y a un soleil, qu'il y a une lune et il y a les étoiles, aussi longtemps qu'il existe, Israël aussi ne peut jamais disparaître devant ma face. Oui, bien aimé frère, oui, bien aimé soeur, spirituellement, c'est ce que nous vous disons. Quand quelqu'un est devenu enfant de Dieu, né de nouveau, quand il branche, tu es le châti. Oui, bien mes frères, tu es le pini. Mais être perdu pour toujours, ou les rejeter complètement, l'effacer devant sa face, Dieu ne le fera jamais. Mais le conseil que nous donnons, et le conseil que Dieu nous donne, à part la Kusema, ne dis pas, il dit Mungu atani tupa, comme Dieu ne va pas me rejeter, que je puisse commettre le péché. L'Église ne fait pas, ne commet pas un péché. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons demain. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris, mon Elewa? Qui n'a pas compris ce soir? Voilà comment Dieu marche avec ses enfants. Il en dit à Chitou qu'on a tembelé. La voie sur laquelle nous marchons. Mungu alitanguliaka déjà kuijua. Dieu la connaissait déjà d'avance. Pour un élu, Dieu a même pris des précautions. Mungu aliweza hata kubeba mipango. Lève-nous pour la prière. L'amour de Dieu est vraiment insondable pour nous. Quand quelqu'un comprend l'amour de Dieu, quand quelqu'un comprend la grâce qu'il a reçue du Seigneur, il humilie son cœur. Prions-nous tous ensemble.